23 heures et je me couche, la larme à l'œil. Demain, j'irai bosser pour regarder passer ma paye. Le soir, je rentrerai, y aura pas de biftec à table. Faudra se remplir le coffre, quelques patates, pas toujours stables. L'argent, l'argent, l'argent, le fric, l'oseille, y a plus que ça. Dans leur sale poche maudite, y a plus que ça. L'argent, l'argent, l'argent, le fric, l'oseille, y a plus que ça. Dans leur sale poche maudite, y a plus que ça. Faire du bois, car l'hiver a été très rude. Qui va tirer la charrette, c'est encore moi, comme d'habitude. Dimanche, après la messe, faudra bêcher ce grand jardin. Notre satisfaction, c'est que la famille a le cœur sur la main. L'argent, l'argent, l'argent, le fric, l'oseille, y a plus que ça. Dans leur sale poche maudite, y a plus que ça. L'argent, l'argent, l'argent, le fric, l'oseille, y a plus que ça. Dans leur sale poche maudite, y a plus que ça. Il parle tout bas, mais moi j'entends cette ferraille. À qui puis-je en vouloir? Mes pauvres parents sont sur la paille. On m'a pris 10%, je ne pouvais payer mes impôts. Bientôt viendra le chômage, on va se retrouver sur le dos. L'argent, l'argent, l'argent, le fric, l'oseille, y a plus que ça. Dans leur sale poche maudite, y a plus que ça. L'argent, l'argent, l'argent, le fric, l'oseille, y a plus que ça. Dans leur sale poche maudite, y a plus que ça. Et je reste là, ma gueule en quitte. Pourtant, mon sac est prêt, mais les crédits étouffent ma fuite. À grands coups de pompe dans le cul, je paierai mes dettes à Toronto. Et oh, Hugues, attends-moi, je signe pour le Santiano. L'argent, le fric, le blé, la thune, l'oseille, plus jamais ça. Gardez vos billes maudites, mon train est là. L'argent, le fric, le blé, la thune, l'oseille, debout les gars. Ici, on sonne le glas, moi je m'en vais.